Nous avions quitté donc Argote qui sortait, la femme de Clodion qui sortait de la petite cabane où se trouve le vieux prêtre aveugle et qui lui avait révélé en réalité ce qui lui était arrivé lors de cette nuit de pleine lune. Elle avait été fécondée par un Kinotaur qui était un fils de Neptune et son fils, donc celui qui allait naître de cette union, était appelé à une grande destinée. 9 mois plus tard, le soir de sa délivrance, Argote se dirige vers une île qui se trouve dans l'estuaire du grand fleuve. Protégée du vent et des regards curieux par un petit bois dense qui pousse en cercle, elle va pouvoir donner naissance au fils du Kinotaur. À quoi va-t-il ressembler? Pourquoi ai-je eu l'idée de me baigner en cette nuit de pleine lune? Mon fils aura-t-il des cornes comme la bête? Est-ce que ça fait mal? Et sa queue de poisson est-elle longue? Ses trois compagnes féminines, témoins privilégiés, venus avec elle, partagent son inquiétude. Près de sa cabane, à la demande d'Argote, le vieux prêtre sacrifie au dieu de la mer. L'enfant naît. Il est beau. Il ressemble à sa maman. Elles sont tellement soulagées qu'elles oublient tout leur malheur. Elles chantent, dansent. La mère fatiguée danse avec elles. On les prendrait pour des nymphes. C'est alors qu'émerge de l'eau une femme qu'elles reconnaissent au premier regard. Hertha, la déesse de la fécondité qui partage son temps entre ses séjours souterrains et ses séjours sous-marins. Elle se présente devant elle, immarescible, irradiant une lumière intérieure. Argote, ma fille, l'enfant que tu tiens dans tes bras est appelé à une grande destinée. Il sera le père de nombreux rois. Ses fils et ses filles régneront sur un pays qui étendra ses frontières jusqu'au-delà des montagnes du sud et du grand fleuve du nord. Les peuples qui seront sous sa domination ne formeront qu'un seul peuple. Il portera le nom de ses rois. Ce peuple est un peuple guerrier qui cherchera la gloire et qui l'obtiendra parfois. Mais ce sera aussi un peuple sage et fidèle. Il disparaîtra, mais réapparaîtra toujours, chaque fois plus uni, chaque fois plus fort. Pourtant, c'est dans sa faiblesse qu'il trouvera le filtre de la vie éternelle et du bonheur. Alors, comme dans un éclair, Argote et ses compagnes virent ce pays qui n'existait pas encore, les fiers Vascons dans leurs montagnes, les Armoricains sur leurs intrépides esquifs, les orgueilleux Lutétiens battant monnaie, les riches commerçants marseillais, Toulouse la superbe aux toits roses, les indomptables Aquitains, les forts Burgondes et les civiques et religieux Lyonnais. Elles sentirent aussi les parfums des lavandes, entendirent le bruit des cigales, virent les cigognes dans le ciel moselant, les corbeaux se battant avec des choucas dans les hauteurs de Neustrie, l'aigle tournoyé dans les Alpes, le loup hurlé dans la forêt de Brocéliande et le cerf bramé entre les hêtres des Haouis. Elles se troublèrent à la vue des guerres, des déchirements et des famines, se scandalisèrent devant des seigneurs médiocres, des rois indignes, des femmes parricides, se réjouirent face à l'inaltérable pureté de certains, s'inquiétèrent au bruit des envahisseurs venus de contrées lointaines. Hertha leur donna cette grâce de contempler tout cela, la grandeur et la décadence de ce peuple, sa gloire et sa misère, sa lumière et son obscurité. Argote tomba instantanément amoureuse de ce pays et de ses habitants. Elle avait l'impression que le sol sur lequel elle était assise se soulevait, comme si la terre l'offrait en cadeau au dieu du ciel. Elle aurait pu rester là pour toujours, à contempler son enfant, endormi, encore par l'effort de naître, ce petit être qui n'était pas qu'un simple enfant, mais un pays, une destinée, un palais de roi. Que puis-je faire, ô Hertha, pour te rendre ne serait-ce qu'une poussière des grâces que tu m'as faites et qui me sont imméritées? Tu connais la coutume, répond l'inaccessible divinité. Argote vit alors de nombreux visages apparaître sous l'eau, des visages familiers d'autres moins, d'hommes, de femmes. principalement des serviteurs ou des esclaves. Certains portaient la marque de leur condition sur leurs habits. Il la regardait tendue, comme emprisonnée dans ses enfers à queue. Tu sais que nul mortel a vu Hertha. Qui a vu Hertha ne peut revenir au monde des vivants. Mais je fais grâce de ta vie, Argote, car ton destin rejoint celui du monde. Donne-moi tes servantes, ma fille, car elles ont vu trop de choses qui doivent rester secrètes. Les yeux d'Argote s'emplirent de larmes. Parmi ses servantes, l'une était sa sœur de lait, et les deux autres, elle les connaissait depuis l'enfance. Si tu ne me les donnes pas, la prophétie ne pourra pas se réaliser, continue impassiblement la divinité. Pourquoi ai-je été me baigner sous ce clair de lune? Si j'avais écouté ma mère, je m'en serais méfié, mais pourquoi? Déjà, ses compagnes se dirigeaient vers la divinité luminescente, et l'eau montait rapidement à leurs genoux, puis à leurs hanches, puis leurs seins. Angoissée, l'une d'elles se retourna une dernière fois vers Argote. Adieu, souviens-toi de moi, adieu! Cette vue lui arrachait un cri, et la jeune maman suppliait à la divinité de garder sa compagne. Elle le fit avec un tel accent de désespoir qu'Hertha se sentit remuée. La divinité perdit d'un coup sa lumière irradiante. Tout devint calme, comme une nuit d'été. On n'entendait plus que les coassements des crapauds et les vagues de la mer au loin. Argote se leva. Elle sentait la présence de ses compagnes, mais ne les voyait pas, quand elle sentit soudain, sur un pied, une présence humide. C'était une grenouille. Elle fut rejointe par deux autres. C'étaient ses trois servantes. Hertha les lui rendait, transformées en batraciens. Argote les plaçait précautionneusement dans une poche en toile de jute qu'elle avait à la ceinture. Lorsqu'elle entendit une voix autoritaire de femme. Ta prière a été entendue, Argote. Tes amis sont en vie, mais sous la forme de grenouilles. Et elles le resteront jusqu'à ta mort. Elles ont la forme de grenouilles pour te rappeler que je t'ai rendu visite, moi qui séjourne indifféremment sous la mer ou sur la terre. Je te les ai laissées toutes les trois pour que tu te souviennes que le chiffre 3 causera le malheur et le bonheur de ce pays qui n'existe pas encore. 3 parce qu'il y aura trois rois. Ils se feront la guerre, mais se réconcilieront. 3 parce que le pays trouvera la paix que sous le chiffre 3. Méfie-toi du 1. Enfin, comme la grenouille qui se cache dans la vase pour ressortir en plein air, ce pays disparaîtra pour renaître. La voix de femme partit d'un grand éclat de rire supérieur. Et Argote entendit comme un nageur prenant son élan en direction de la mer. La suite dans le prochain podcast.